Salut la compagnie et bienvenue sur cette nouvelle résonance, la 17,2. Alors ça fait longtemps que je voulais faire une nouvelle résonance, depuis la rentrée où je me disais que j'allais te présenter quels allaient être mes projets pour la saison à venir, mais finalement je me disais que ça n'allait pas vraiment t'intéresser. Et d'ailleurs les chiffres me donnent raison dans la mesure où lorsque je fais une résonance, il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'écoutes, alors que dès que c'est un remarquable, dès que j'en mets un en ligne, on double, on triple, on quadruple. Et d'ailleurs, ça me rassure parce que le but à la base, le concept de ce Lloydcast, c'est de te parler, de te faire découvrir ou redécouvrir des personnes que je trouve moins remarquables. Donc voilà, finalement, c'est ça qui est le plus intéressant. Merci d'être si nombreux parce qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près, je crois, pardon, vous êtes à peu près 80 abonnés. C'est génial. Chaque épisode est écouté donc entre 100 et 200 fois. C'est super. Et merci aussi à l'accueil que tu as fait de cet épisode numéro 17 qui était consacré à Émilie et à travers Émilie Deville à Soyons Cheyennes, le mouvement dans lequel je suis très impliqué de lutte contre le cancer du sein et du cancer en général, on va dire. Merci de l'avoir partagé, de l'avoir téléchargé. Merci de continuer de le faire aussi écouter autour de toi. C'est extrêmement important. C'est un épisode qui a fait quasiment 200 écoutes en l'espace de 10 jours et qui continue de grimper, et tant mieux. Aujourd'hui, cette résonance s'appelle un petit break, simplement pour te dire que ce jeudi 18 octobre va paraître un nouvel épisode avec une personne que j'aime beaucoup, qui est écrivain. Et qui, entre autres, a quand même vécu une tragédie qu'on a tous connue de l'extérieur, mais qu'il a connue de l'intérieur. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça jeudi. Mais après cet épisode, il va y avoir un silence radio pendant à peu près un mois, parce que je rentre en création, en résidence d'une nouvelle création, plus exactement, qui va me prendre un temps, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, forcément. Donc je vais pas, comme j'aime bien faire les choses avec c'est remarquable. Généralement, je prends entre 4 et 8 heures de boulot, je te l'ai déjà expliqué, de faire un épisode entre le temps de rédaction, des questions, le temps d'enregistrement, ensuite le temps de montage, d'édition, de mise en ligne, tout ça c'est finalement assez long. Et là, je vais pas pouvoir le faire, même si j'ai déjà des très belles personnes qui m'ont dit oui pour les prochains épisodes. J'en suis très heureux, je les remercie et j'espère qu'on pourra les faire en temps et en heure par la suite. En tout cas, donc je vais pas pouvoir moi les enregistrer tout de suite. À mon avis, il y aura un retour du Lloydcast. En tout cas, des remarquables, puisque c'est ceux que tu apprécies le plus, selon les statistiques, ce sera mi pardon, mi-novembre. Je ferai sûrement aussi eu quelques résonances pour te parler de cette nouvelle création. Cette pièce s'appelle This is not America. J'ai envie de t'en parler. À l'époque, je faisais des vlogs, qui étaient des petits journaux vidéo, on va dire, pour te montrer un peu l'envers du décor. Moi, je suis très fan des making-of, je suis très fan des magiciens quand ils m'expliquent leur tour de magie. Et je me dis, quand on s'intéresse au travail d'un créateur, on peut aussi avoir envie de voir comment ça fonctionne derrière. Alors moi, je vais pas faire cette fois-ci de vlog, parce que c'est beaucoup de boulot, parce que le temps de montage, c'est encore pire que du montage vidéo. Là, par exemple, cette résonance, les résonances, je les fais de manière très brute, comme ça. Il n'y a pas de montage à faire dessus, mais tout le reste, c'est toujours un tout petit peu long. Mais je vais essayer de te raconter, une fois par semaine, comment se passe cette résidence, et comment on travaille, et essayer de te l'évoquer plutôt que de te la montrer. C'est comme une sorte aussi de teaser audio du travail qu'on va faire ensemble avec les comédiens et puis avec l'équipe, toute l'équipe, magnifique équipe technique que j'ai aussi avec moi. Voilà, c'était une résonance rapide, tu vois, je t'ai donné quelques infos, comme ça tu sauras pourquoi il va y avoir un petit silence dans les semaines à venir. On se retrouvera, je te dis, mi-novembre. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. C'est un beau dimanche, en tout cas de là où je suis, c'est un beau dimanche. J'espère qu'il l'est pour toi aussi. Je remettrai en ligne aussi les autres épisodes des Remarquables depuis le début. Si jamais t'en as loupé comme ça sera l'occasion pour toi de les réécouter. Ils seront mis en ligne une fois tous les 2 ou 3 jours, dès la semaine prochaine. Voilà. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.